L'affaire Touffard, parodie policière. Avec Haut Dubois, prince des détectives. Joué par Jean-Pierre Grenier. Et Joubin, confident du prince des détectives. Joué par Olivier Husneau. Musique d'Hubert De Gex. Au basson, René Plessier. Au saxo ténor, Robert Gatto. Adaptation et réalisation de François Billedoux. D'après une nouvelle de Marcel Aimé. Mais que répondrais-je au reporter de Paris Crime qui viendra chez vous cet après-midi ? Intuition et réflexion. Vous aurez ainsi résumé toute ma méthode. Évidemment. N'y touchez pas, Joubin. Je croyais que ces objets vous intéressaient. Allons nous asseoir au café d'en face. Psst, garçon, un demi de blonde pour moi et un petit boc pour monsieur. Veuillez m'accorder 3 minutes de réflexion, Joubin. Près d'un arbre, une pince à sucre en argent, un pince-nez à monture d'or et une pince Monseigneur. Bon. Voilà qui est suspect. Oui, suspect. Il s'agit à coup sûr d'un crime important. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire-là, Joubin? Je pense qu'il faut réunir des indices et construire une hypothèse que les faits confirmeront plus tard. Joubin, prenez ma canne et traversez la rue. Quand vous serez au pied de l'arbre où nous avons découvert les 3 objets, regardez dans les premières branches et si vous voyez un chapeau de forme, décrochez-le avec ma canne. Ne voulez-vous regarder à l'intérieur du chapeau et me dire le nom du chapelier? Le nom du chapelier est Pince Rebelle. Évidemment, évidemment. Oh, c'est incroyable! Comment avez-vous deviné que ce chapeau haute forme était dissimulé dans les branches? J'en ai eu l'intuition, tout simplement. Oh, c'est vrai, intuition et réflexion. À propos de réflexion, pouvez-vous me dire ce qui vous frappe à vue de nez dans toute cette affaire? Je ne sais pas, il est bien difficile de... Mon cher ami, vous manquerez toujours de sang-froid. Comment non? Mais vous n'avez même pas été surpris par l'analogie des mots qui désignent ces 3 objets. Pince à sucre, pince-nez, pince, monseigneur. En effet, je n'y avais pas songé, cela fait 3 pinces. Et comment s'appelle le chapelier qui vendit chez haute forme? Pince Rodel. Nous avons déjà 4 pinces. Mais je crois que nous en rencontrerons pas mal d'autres pinces. Voyez-vous, Joubin, dans un problème comme celui-ci, il faut toujours s'attacher à saisir l'idée générale qui sera le fil conducteur. Intuition et réflexion. Savez-vous pourquoi tout à l'heure je me suis pincé le nez avant de vous envoyer chercher le haut de forme? Eh bien, j'avais compris que l'affaire reposait sur ce mystère de pince. Je me suis donc pincé le nez pour me mettre en état de réceptivité intuitive. Vous avez vu le résultat. Ah, mon cher Joubin, vous êtes certainement trop intelligent et c'est au détriment de votre intuition. Mais ne vous désolez pas, vos facultés de discernement font de vous un auxiliaire précieux. Tenez, voulez-vous aller m'acheter un paquet de cigarettes et la dernière édition du matin? Un crime! Écoutez, un crime épouvantable a été commis cette nuit. J'en étais sûr. Une famille de 12 personnes assassinées. Je l'aurais parié. L'assassin présumé est en fuite. Je le savais. Alors on ne peut rien vous cacher. Mais si, lisez-moi l'article. Il y a peut-être des détails que j'ignore encore. Un abominable forfait, peut-être sans précédent dans les annales du crime, a été consommé cette nuit, entre 11h et minuit, dans un hôtel particulier du Faubourg Saint-Honoré, où demeure depuis de longues années M. Alcide Touffard, le milliardaire bien connu dans le monde de la chaussure. Hier soir, toute la famille de l'illustre industriel s'était donné rendez-vous chez lui pour fêter le 87e anniversaire de l'aïeul. Et en l'absence des domestiques, auxquels il avait donné congé pour la soirée, organiser une sorte de surprise partie. La concierge de l'immeuble voisin, qui prenait le frais sur le pas de sa porte vers les 8h du soir, affirme avoir vu entrer dans l'hôtel Touffard 12 personnes portant des bouteilles et des victuailles empaquetées. Son témoignage est formel sur ce point. Il y avait donc 13 personnes réunies dans les appartements du vieillard. En rentrant du cinéma, un peu après minuit, les domestiques trouvèrent la famille attablée, mais silencieuse et immobile. Chacun des convives était ligoté sur sa chaise et sa cervelle s'échappait dans son assiette par un trou creusé au sommet du front à l'aide d'un marteau et d'un ciseau à froid. La police, immédiatement prévenue, a pu identifier sans retard les 12 victimes de cette boucherie sauvage. Ce sont M. Alcide Touffard et les 11 personnes dont les noms suivent, toutes appartenant à la famille. Le commissaire du quartier, au cours de son enquête, s'est montré surpris qu'il n'y ait pas plus de 12 victimes, étant donné que la concierge voisine affirme avoir vu entrer 12 personnes dans l'hôtel. Des recherches menées diligemment ont permis de découvrir que M. Jules Pontin, petit-fils de M. Alcide Touffard, n'était point parmi les victimes. La police s'est immédiatement rendue à son domicile et a trouvé dans son lit une jeune femme de mœurs légères, Mademoiselle Pinson d'Artigore. Celle-ci a déclaré que M. Pontin avait quitté son domicile la veille au soir, à 8h, pour aller fêter l'anniversaire de son oncle. Faut-il conclure de cette déclaration que M. Jules Pontin, échappant au massacre, a réussi à s'enfuir? Mais alors pourquoi n'avait-il pas alerté le voisinage? Faut-il croire qu'il a lui-même participé à cet abominable forfait? Aucun objet précieux n'a disparu de la demeure du milliardaire, et le coffre-fort n'a pas été ouvert. Détail curieux bien fait pour dérouter les recherches. Monsieur Alcide Touffard avait sur lui un portefeuille contenant 23 000 francs auxquels les bandits n'ont pas touché, tandis que les autres convives ont été dépouillés de leur argent et même de leurs bijoux. À l'heure où nous mettons en page, Monsieur Jules Pontin demeure introuvable. Garçon, une autre chope. Alors, Joubin, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire-là, vous, hein? Je pense qu'il faut mettre la main sans tarder sur Jules Pontin. C'est lui qui a machiné cet horrible crime. Et pourquoi donc? Cherchez à qui profite le crime. Joubin, vous venez de faire une réflexion d'une portée incalculable. Vous m'entendez? Incalculable. Oh, c'était bien simple, il fallait y penser, et voilà tout. Mais vous raisonnez comme un facteur rural. Pourquoi diable voulez-vous que ce pauvre Jules Pontin ait assassiné 12 personnes? S'il en avait eu l'intention, il n'aurait pas été si bête que de n'avoir pas préparé un alibi. Il n'aurait pas disparu de cette manière soudaine qui fait douter s'il est mort ou en fuite. Deux situations tout à fait défavorables à un héritier. Vous n'ignorez pas que la loi interdit à l'assassin d'hériter de sa victime. Non. Pour que Jules Pontin fût coupable, il faudrait que la vengeance ait été le mobile du crime. La vengeance ou un accès de folie furieuse. Je ne le crois pas, Joubin. Rappelez-moi le nom de cette belle personne que la police a trouvée dans le lit de M. Pontin. Pinson d'Artigore. Pinson. Voilà un curieux prénom. Encore une pince. La cinquième. Vous voyez, Joubin, il suffit parfois d'un détail infime pour établir une liaison entre deux affaires qui paraissent d'abord n'avoir aucun point commun. À vrai dire, j'avais déjà pressenti cette relation entre le crime et la découverte du chapeau haut de forme. Une fois de plus, les faits confirment mon intuition. Et j'espère savoir, avant un quart d'heure, à quoi s'en tenir sur la disparition de Jules Pontin. Cependant, j'ai une mission des plus délicates à vous confier. Je voudrais que vous passiez chez le chapelier Pince-Rodel et vous informiez si M. Jules Pontin comptait parmi ses clients. Ensuite, vous procéderez à une enquête pour dénombrer exactement la famille de feu M. Alcide Touffard. Je pense qu'on en est informé à l'heure actuelle dans toutes les rédactions de journaux. Tout cela ne demandera pas plus d'un quart d'heure. Je vais donc boire une chope de bière et à votre retour, je vous dirai où se trouve actuellement M. Jules Pontin. Vous le savez déjà? Non, mais je vais y réfléchir sérieusement. À propos, ne laissez soupçonner à personne que je m'occupe de l'affaire. Taxi, taxi. Oui, monsieur, voilà. Merci, oui. Merci, monsieur. Demandez l'édition spéciale, dernière. Me voilà. Vous êtes en retard de 2 minutes. Oui, mais... Et vous oubliez de régler votre taxi. Mais non. Chauffeur, gardez tout. Voyons. Merci, monsieur. Je n'ai pas perdu mon temps. En vous quittant tout à l'heure, il m'est venu une idée étonnante. Je vous ai pourtant prévenu que si vous persistiez à avoir des idées, je me passerais de votre collaboration. Cher ami, laissez-moi vous dire. J'ai eu l'idée d'aller interroger la concierge de Jules Pontin. C'était inutile. Attendez. J'ai appris que Jules Pontin faisait la noce, qu'il était collectionneur et qu'il était endetté jusqu'au cou. Je le savais par l'édition spéciale que je viens d'acheter. Enfin, j'avais tout de même raison. Il avait besoin d'argent et il a assassiné sa famille. La preuve en est qu'à l'heure actuelle, il est encore en fuite. Jules Pontin n'est pas en fuite. Il est mort. Mort ? Vous savez où il est ? Naturellement que je le sais. Croyez-vous que j'ai perdu mon temps à bavarder avec des concierges, moi ? Où est-il ? Sur le trottoir d'en face. Vous vous moquez ? Sur le trottoir d'en face. C'est comme je le dis. Intuition ? Je croyais vous avoir confié une mission délicate. Je suis encore à attendre votre compte rendu, le chapelier. Je suis passé chez ce monsieur Pince-Rodel et lui ai fait subir un interrogatoire serré auquel il n'a pas pu se dérober. D'abord, je lui ai demandé pourquoi il s'appelait Pince-Rodel. Son père, m'a-t-il dit, s'appelait Raoul Pince et sa mère, Germaine Rodel. Je ne sais pas ce que vaut l'explication, il faudra vérifier. Je vous jure que je vais vous casser la tête si vous ne répondez pas très précisément à mes questions. Jules Pontin était-il un client du chapelier Pince-Rodel ? C'était un très bon client, de même que son frère Léonard Pontin et son cousin Pierre Touffard. Bon. Et maintenant, dites-moi de combien de membres se composait la famille de Monsieur Alcide Touffard ? De 12 membres, sans compter l'aïeul. Ainsi que nous l'avions prévu, j'ai pu me procurer la liste complète dans les bureaux de Paris Crime. La voici. Je puis donc, si vous le désirez, vous instruire rapidement de la généalogie de la famille Touffard. Allez et soyez bref. Alcide Touffard, le milliardaire, était un enfant de l'assistance publique. En 1871, alors qu'il était encore garçon de course, il épousa une servante qui sortait également de l'assistance publique. Il en eut un fils et 2 filles, dont l'une resta célibataire. Le fils eut 3 enfants d'un premier lit et 3 enfants d'un second lit. La fille aînée d'Alcide Touffard épousa un monsieur Pontin, dont elle eut une fille et un garçon. Devenue veuve, elle eut encore un fils, 2 ans après la mort de son mari. Ce fils est précisément notre Jules Pontin. Il est assez remarquable qu'aucun des petits-enfants d'Alcide Touffard ne soit marié. Mais comme ils vivaient plutôt chichement à cause de l'avarice bien connue du milliardaire, on suppose qu'ils attendaient la mort du bonhomme pour organiser leur existence. Je crois avoir été clair. Parfaitement clair, Joubin. À votre tour, pouvez-vous m'expliquer clairement où se trouve Jules Pontin ? Je vous ai dit sur le trottoir d'en face. Voyez-vous, là-bas, à droite de l'arbre où vous avez découvert le chapeau, ce kiosque cylindrique bariolé d'affiches de théâtre. Jules Pontin est à l'intérieur. Vous ne me croyez pas ? Allez faire un tour près du kiosque. Il fait une chaleur accablante et le mort commence à sentir. Il sent... Lorsque nous avons trouvé les 3 objets au pied de l'arbre, le hasard m'a servi singulièrement. Supposez qu'au lieu de cette pince, monseigneur, vraisemblablement oubliée par les meurtriers de Jules Pontin, nous ayons trouvé un rossignol ou un trousseau de clés. J'aurais pensé, voilà un trousseau de clés, une pince à sucre et un lorgnon. L'ensemble ne présentait aucun intérêt. Mais il y avait la pince monseigneur à côté de la pince à sucre et j'ai pensé, pince nez pour l'orgnon. J'étais donc en présence d'une triade de pinces qui ne pouvait manquer d'éveiller ma curiosité. Admirez, Joubin, que l'aspect des mots soit parfois plus suggestif que l'aspect des objets qu'il désigne. Un poète y trouverait son compte. Après avoir découvert le chapeau par un effort d'intuition qui restera l'honneur de ma carrière, j'étais en droit de croire que son propriétaire n'avait pas choisi par hasard un chapelier du nom de Pince Rodel. C'est votre avis? Bien sûr. J'attire votre attention sur le pince-nez. Notez que le lorgnon ne se porte plus guère, la mode des taux lunettes à monture d'écaille. Ce client de Pince Rodel, qui promenait des pinces à sucre dans sa poche et s'obstinait à porter un pince-nez, ne pouvait être qu'un maniaque. Je vous demande pardon, mais d'où saviez-vous que le propriétaire du chapeau le fut également de la pince à sucre et du pince-nez? Intuition. Ne m'interrompez pas pour des bêtises. Mais je voulais... Mais lorsque j'ai appris par le journal l'assassinat de la famille Touffard, j'ai tout de suite pensé que Jules Pontin, dont on signalait la disparition, devait être le propriétaire du chapeau à cause de cette demoiselle Pinson d'Artigore. Une chose me gênait pourtant. Le haut de forme était marqué aux initiales PT au lieu de JP. Mais je n'ai pas tardé à en trouver une explication satisfaisante que votre enquête chez le chapelier a d'ailleurs confirmée. Par mégarde, Jules Pontin avait pris le chapeau de son cousin Pierre Touffard, lequel était également le client du chapelier Pince Rodel. Et voilà. Mais enfin, ce n'est pas tout. Mais la suite n'est si simple qu'elle ne vaut pas d'être contée. Oh, je vous en prie, consentez à compléter votre récit. Et si l'on veut suivre Jules Pontin dans ses pérégrinations d'hier au soir, il ne faut pas oublier un instant que notre homme était un collectionneur de pinces à sucre, à linge, à dessin, etc., etc., et qu'il arrive à peu près constamment chez les maniaques de cette espèce que le mot désignant l'objet de leur manie devient une obsession de tous les instants. En arrivant chez le milliardaire où les 12 personnes s'étaient donné rendez-vous pour cette petite fête de famille, Jules Pontin a présenté ses vœux à son grand-père. Il a aidé à dresser la table pour avoir l'occasion de mettre une pince à sucre dans sa poche. Ensuite, il n'a pas pu résister au désir de faire le pince sans rire. Et après avoir fait observer qu'on allait être très à table, il est sorti en déclarant qu'il reviendrait en fin de soirée quand la table serait desservie. Je n'ai pas besoin de vous dire où il est allé. Vous le devinez sans peine. Mon Dieu, pas positivement. Mais cet enfant, il est allé aux Folies Fredaines voir jouer la revue. Oh, pince-moi le nid. Oh, pince-moi, repince-moi. Oh, pinçons-nous. Pince-moi, pince-moi. Un véritable régal pour cet amateur de pince. Hey, dis-moi, hein. Il y avait lieu de penser, et la suite l'établira, que Jules Pontin avait reçu par les soins de ses meurtriers un billet pour le grand spectacle des Folies Fredaines. De même qu'il avait reçu une invitation à l'ouverture de l'Astarté, ce nouveau dancing qu'on inaugurait hier au soir dans la rue Vignon à deux pas d'ici. Vous oubliez qu'en sortant du théâtre, Jules Pontin devait regagner l'hôtel du milliardaire. Sans doute. Mais comment eût-il résisté au désir d'entrer dans une de ces boîtes que l'on désigne familièrement par le nom de Pince-Fesse? Notez d'ailleurs que l'Astarté est à mi-chemin entre les Folies Fredaines et la demeure du milliardaire. Cela est d'une grande importance, car en quittant l'Astarté, Jules Pontin était si près de l'hôtel de son grand-père qu'il devait s'y rendre à pied et emprunter nécessairement l'itinéraire prévu par ses assassins qui l'attendaient sur le boulevard. Plus exactement, il l'attendait dans l'arbre où nous avons trouvé le chapeau haut de forme. Vous voulez dire, haut du bois, que la victime s'est rendue bénévolement dans l'arbre même où l'attendaient les assassins? C'est exactement ce que je voulais dire. Oh. Allons, décrochez-moi votre sourire, Joubin. Vous m'agacez. Bon. Quand Jules Pontin est sorti du dancing, il était certainement plus de 2h30 du matin. Le boulevard était à peu près désert. Tandis que Jules Pontin passait auprès de l'arbre, ses regards furent attirés par un objet brillant abandonné au milieu du trottoir. C'était une pince à sucre qu'il mit dans sa poche. Il en vit une autre, puis deux, trois, quatre, qui le menèrent au pied de l'arbre contre lequel était dressée une échelle. Levant la tête, il vit briller des pinces dans les branches. La présence de l'échelle ne le surprit pas à cause des travaux de ravalement de l'immeuble voisin dont vous apercevez les échafaudages. Et puis le champagne de l'Astarté lui donnait d'ailleurs un peu dans la tête et empêchait qu'il s'étonnât de rien. Il s'assura simplement que personne ne le voyait, gravit les échelons et fut appréhendé aussitôt. Le reste n'était plus pour les assassins que besogne de manœuvre. Ils avaient tout le reste de la nuit pour s'en acquitter à loisir. Ils purent, sans quitter l'arbre, soulever le chapiteau du kiosque dont le sommet se dissimule dans le feuillage et, par cette ouverture, précipiter le cadavre de Jules Pontin. Je suppose qu'ils l'auront préalablement rendu méconnaissable et affublé d'autres vêtements. Les assassins n'ont commis qu'une faute grave. C'est en oubliant le chapeau de forme, coincé dans les branches, d'avoir fourni une pâture à mes facultés intuitives. Vous avez quelques critiques à formuler, Joubin? Vous voyez comme c'est simple. Il ne fallait que découvrir le chapeau. Le reste n'était qu'une interprétation raisonnable des données qui m'étaient fournies. Les pinces de Schell que vous pouvez apercevoir dressées maintenant contre l'échafaudage, la déposition de Mademoiselle Pinson d'Artigore, déclarant que son ami avait dû s'abstenir d'aller au théâtre et au bal pour fêter l'anniversaire du milliardaire, ce morceau de serpentin rouge qui vous tire les yeux dans le feuillage de l'arbre tragique là-bas. Enfin, pourquoi l'ont-ils assassiné dans cet arbre au lieu de l'assassiner avec les autres? Pour faire croire qu'il était l'assassin, ce dont vous étiez persuadé tout à l'heure. Et qui donc est l'assassin? Je n'en sais rien encore. Mais je vais y réfléchir, il n'est pas douteux que je comble votre curiosité. Qu'est-ce que vous lisez, Joubin? Un article sur la discussion du budget. Joubin, réglez vite les soucoupes et filons pendant qu'il est temps. Taxi! Taxi! Taxi! Taxi! Conduisez-nous à la gare de l'Est. S'agit-il d'atteindre les assassins dans une course au poteau frontière? Arrêtez-nous là. Taxi! Taxi! Taxi! Conduisez-nous sur la rive gauche. Arrêtez-nous au métro. Prenez le ticket station rive droite. Taxi! Taxi! Taxi! Au bois de Vincennes. Un canot pour une promenade, s'il vous plaît. Prenez les rames, Joubin. Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Mais vous-même, Joubin, comment n'y avez-vous pas pensé? La solution était si simple. Ah, mais non, je suis injuste. Cette solution, c'est vous qui me l'avez livrée. Ah, Joubin, vous êtes un grand détective. Lorsque vous m'avez appris l'assassinat de la famille Touffard, vous avez tout de suite désigné le meurtrier, vous. Jules Fontin, n'est-ce pas? J'avais raison. Imbécile! J'ai perdu 20 minutes à vous expliquer qu'on l'avait assassiné, vous en êtes encore là. Oh, oh. Non, mais à défaut d'intuition, je vous accordais un semblant de bon sens. Je ne comprends pas. Vous me dites que j'ai désigné le meurtrier. Mais voyons, Joubin, ne m'avez-vous pas dit expressément « Cherchez à qui profite le crime ». En effet, mais je ne vois pas. Mais naturellement que vous ne voyez pas. Pour y voir, il faut justement chercher à qui profite le crime. Si nous écartons la vengeance comme mobile du crime, et il y a à cela des raisons définitives que les journaux même ont déjà démêlées, il reste l'intérêt. Ah, le crime peut-il être le fait d'une entreprise de cambrioleurs? Non, non, puisque rien n'a été dérobé dans l'hôtel du milliardaire. Pardon? Les hôtes du milliardaire ont été dépouillés de leurs bijoux et portefeuilles? C'est vrai, et nous reviendrons sur ce point tout à l'heure. Je n'en maintiendrai pas moins que des cambrioleurs se seraient attaqués au coffre-fort et au portefeuille de M. Alcide Touffard. Voilà qui est acquis. Faut-il soupçonner un industriel de la chaussure d'avoir voulu frapper une entreprise rivale dans son chef? Mais pourquoi a-t-il assassiné 12 autres personnes? C'était accumuler des difficultés inutiles. J'en dirais tout autant des financiers ou des hommes politiques que l'influence d'Alcide Touffard aurait pu contrarier. Le cercle se resserre. Oui, le cercle se resserre singulièrement. Vous le savez, chacun des enfants et petits-enfants avait intérêt à exterminer tous les autres membres de la famille afin de s'assurer la totalité de l'héritage. Mais puisque tous ont succombé dans cette boucherie, il faut bien laisser leur mémoire en paix. Enfin, vous constatez vous-même que personne n'était intéressé à la mort de ces malheureux. Ah, je vous demande pardon, Joubin, mais il reste encore un héritier. Comment un héritier? Mais qui donc? L'État. Ah. Oui, mon pauvre Joubin, l'État. C'est lui l'héritier du milliardaire, maintenant que toute la famille a péri. C'est à lui seul, que profite le crime. Encore une fois, comment n'y ai-je pas songé plus tôt? Pourtant, j'avais entendu dire que l'État était gêné, qu'il n'arrivait pas à boucler son budget. On allait même jusqu'à faire courir le bruit qu'il se résignait à faire des économies, à entrer dans la voie des restrictions. Et peut-être y a-t-il songé vraiment. Ah, il fallait faire rentrer de l'argent frais, le temps pressait. Alors l'État, devant l'imminence du péril, a eu une idée géniale. Il a découvert qu'il existait en France un milliardaire n'ayant pour toute famille qu'une dizaine d'enfants et de petits-enfants. C'était un cas unique. En effet, combien y a-t-il de personnes qui n'aient pas au moins un milliard de cousins en partant d'un bisaïeul, d'un trisaïeul? On a bien raison de dire que Dieu bénit les familles nombreuses. Et comme Alcide Touffard était un enfant de l'assistance publique, de même que sa défunte épouse, l'État n'avait pas à redouter de surprise. D'autre part, le milliardaire aimait trop ses enfants, malgré son avarice, pour avoir choisi un héritier en dehors de sa famille. L'État était donc sûr de son affaire. Oh, en vérité, Joubin, je suis impardonnable de n'avoir pas au moins soupçonné le coupable en écoutant l'exposé des faits que vous m'avez lu dans votre journal. Souvenez-vous, chacun des convives était ligoté sur sa chaise et sa cervelle s'échappait dans son assiette par un trou creusé au sommet du front à l'aide d'un marteau et d'un ciseau à froid. Ce raffinement dans la cruauté n'est-il pas comme une estampille de l'État? Je vous le demande, Joubin, vous qui êtes contribuable, hein? C'est bien vrai. Allons, allons. Et cet autre passage auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. Monsieur Alcide Touffard avait sur lui un portefeuille contenant 23 000 francs auxquels les bandits n'ont pas touché, tandis que les autres convives ont été dépouillés de leur argent et même de leurs bijoux. Mais naturellement, l'État n'avait pas besoin de dépouiller le milliardaire puisqu'il devenait son légataire universel. Il le devenait également des autres victimes? Sans doute, sans doute. Mais les autres victimes avaient pu faire des dettes ou tester en faveur d'une maîtresse. Mais comment l'État a-t-il réussi à s'introduire dans la demeure d'Alcide Touffard? Mais il a dû entrer sans se cacher vers la fin de l'après-midi. Personne ne pouvait s'étonner de sa présence. Vous savez qu'aujourd'hui l'État a un droit de regard partout. Lorsque les convives se furent attablés, il les ligota l'un après l'autre sur leurs chaises, sans se presser, tranquillement. Il avait le temps, puisque Jules Pontin, à qui il avait fait adresser par les Beaux-Arts un billet de théâtre et une invitation à l'Astarté, ne devait quitter le dancing qu'à 2h du matin. Ce qui m'étonne, c'est que les convives se soient laissés faire. Mais la majesté de l'État, Joubin, qu'en faites-vous? La majesté de l'État et la bonne volonté des citoyens qui atteint parfois une si touchante résignation. Nous en voyons tous les jours de ces malheureux assujettis qui se laissent dépouiller de leur chemise même, sans élever un murmure de protestation. Et comment la famille Touffard eût-elle résisté à un commandement de l'État parlant à sa personne? Entre nous, je suis même persuadé que la précaution de ligoter les victimes était superflue. Oui. Bon, l'État aurait très bien pu les décerveler sans qu'aucun d'eux esquissât le moindre geste de défense. Mais je vous l'ai dit, l'État n'était pas pressé. Il tuait le temps comme il pouvait. Je pense qu'il a dû quitter l'hôtel vers minuit moins le quart, qu'il est rentré chez lui et qu'il en est ressorti entre 1h et 1h30 pour aller s'installer dans son arbre du boulevard de la Madeleine. Mais où est-ce chez lui? Vous dites qu'il est rentré chez lui? Bon, je ne sais pas, mais il a tant de domiciles, les musées, les églises, les ministères, les casernes, les palais. Il est chez lui presque partout, même sous les ponts. L'État s'est donc installé dans l'arbre après avoir semé des pinces à sucre sur le trottoir. Vous connaissez la suite. Et vous pouvez reprendre les rames, Joubin. Et maintenant, au Dubois, qu'allons-nous faire? Rien du tout, vous m'entendez? Je pars ce soir pour l'Angleterre et je vous emmène avec moi pour être sûr que vous ne bavarderez pas. Tout à l'heure, à la terrasse du café, j'ai eu l'intuition que l'État rôdait sur le boulevard près du lieu du crime. Et il n'est pas impossible que notre présence ait éveillé des soupçons. Vous croyez ? Je n'en suis pas sûr. D'ailleurs, il n'a pas pu nous identifier. Nos précautions auront suffi à le dépister. N'importe, je crois qu'il vaut mieux pour nous de nous tenir éloignés pendant quelque temps. D'autant plus que si nous restions à Paris, il ne manquerait pas de fâcheux pour nous demander de résoudre cette énigme. Et je n'ai pas envie de me faire de l'État un ennemi personnel. Tant pis pour la justice. Je pense que le crime sera certainement imputé à ce pauvre Jules Pontin et j'en suis fâché pour sa mémoire. Mais je ne peux vraiment rien pour lui.